Aux États-Unis, les journaux Washington Post et Wall Street Journal, l'AP et la CNN ont présenté le 21 le résultat de l'enquête intermédiaire du parquet sud-coréen sur les scandales de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil et souligné que Park Geun-hye risque de démissionner à cause des corruptions à l'aide du pouvoir révélées ces derniers jours.